saluons chacun de vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuko na salimia kila mmoja wenu mujina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Est-ce que vous êtes dans la paix? Eti salama iko. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia banduku na badada be kumtandao. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njoksu maneno. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 83. Tu fungura mbile yetu mkitabu ya Zaburi makumi mnani na tatu. Verset 3. Tunaanzia mstari wa tatu. Verset 4. Yaya ini. Verset 5. Tano. Et le verset 6. Na ata mstari wa sita. Inclinons nos têtes. Tutainamisha vichwa. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Tu es l'unique notre rédempteur. Wejo mukombozi wetu pekee. L'unique père qui nous a engendré. Baba moya ulatuzala. L'unique père qui nous aime d'un amour agapao. Baba moya unatupenda na mapendo ya agapao. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tuko na kushukuru kabisa. Parce que tu nous as aimés. Sababu urtupenda. Pendant cette période de ténèbres où nous étions. Mu wakati ya magiza mule turukuya. Nous n'avons pas mérité votre amour. Atufikiri mapendo yako. Atukustahili. Parce que nous étions foncièrement mauvais. Sababu tulikuwa babaya kabisa. Mais toi tu n'as jamais regardé à notre condition malheureuse. Lakini wewe auangalia kakamo kuile hali yetu ya uli. Tu nous aimes père. Utupenda Bwana. Et tu es devenu comme nous. Na ulikuya ulibeba mwili ya bumuntu. Tu as pris notre place. Na bafazi yetu. Tu as pris notre souffrance et notre mort. On avait maté soyetu na ataloufluetu. Ton sang fut versé. Damu yako ilimwangika. Pour nous donner ta vie. Njoo utupatie bujima yako. Et ta parole nous est enseignée. Na neno lako nitufundisha. Pour nous conduire dans le chemin de la sainteté. Njoo akutupeleka paka munjia utakatifu. Viens Seigneur Jésus. Uya Bwana Yesu. Par la voix du Saint-Esprit ce soir. Kupitia Roho Mtakatifu mangaribi. Parle à chaque cœur. Upate kusema na kila moyo. Bénis-nous Seigneur. Utubariki Bwana. Et oint chacun de nous. Na upakwe kila moja wetu. D'une onction spéciale. Upako au peki. Pour que nous ayons un entendement meilleur. Kusudi tupate kuwa na usikilivu mzuri. Tous les problèmes que nous avons comme des humains. Sabatu mambo yote tukunayo. Toi seul tu es notre solution. Wepeke njojibu yetu. Merci Père. Asante Baba. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma. Et bénis tous les services. Na ubariki ibada yote. Du début à la fin soit bon. Mwanzo hata mwisho wewe heshimishwe. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Psaume 83. Zaburi makumi mnane na tatu. Verset 3, nous commençons par là. Musaya tatu nanzia pani. Car voici tes ennemis s'agitent. Kwani tazama wadui yako kunangaika. Ceux qui taïssent lèvent la tête. Wana kuchukia wana musha kichwa. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Beko na tunga juu ya taifa yako mama pumua ya kujaa na bujanja. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Na bona ba mpango mubaya juu ya bale huko na kinga. Venez, disent-ils. Wako nasema mukuyeni. Exterminons-le du milieu des nations. Tupate kubapoteza, kubamaliza katikati ya mataifa. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Na wasika kumbuka ketena njina Israeli. Il se concerte. Beko naitana kusumburia pamoja bote. De même cœur. Na moyo moya. Il forme une alliance contre toi. Bona tunga agano njo kumbanisha nayo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusoma neno lake. Ils se rencontrent. Bekona itana mapatano. Ils se rencontrent. Bena kutana fashi moya. Il parle sur Israël. Na bekona semezia jua Israeli. Ils forment leur projet. Banatunga mapuyabo. Et des alliances sont conclues. Na maagano mwisho yayo. Dans leur haine. Mu ile chuki yabo. C'est pour détruire Israël. Banafanya yote ni njo paka ya kuharabisha Israeli. Bien-aimés frères et sœurs, mapendwa nduku na dada, retenez ceci. Mupate kubamba hii kuishika. Le diable, Shetan, ne peut jamais aimer. Awezi kamo kupenda. Les démons, mademona, ne peuvent jamais aimer. Aita penda kakamwe. Il n'y a pas d'amour dans le diable. Ndani ya shetani mapendo ekalakemo. Si vous allez chercher l'amour dans le diable, kama unapenda kutafuta mapendo ya shetani, c'est comme quelqu'un qui va chercher du sang dans une sauterelle. Yusa mtu eko naenda kutafuta damu kwa mumpanjo. Il n'y a pas de sang dans les sauterelles. Mpanjo ekalaki na damu. La sauterelle a ces liquides qui sont semblables au sang. Mpanjo anekalaka na mai moya, anekalaka kufanana na damu. Mais ce n'est pas du sang. Lakini aina damu. Le diable ne peut jamais aimer. Shetani ashita awezi kupenda. Le diable ne peut jamais pardonner. Shetani awezi kamo kurumia muntu. Les démons, mademona, ne peuvent jamais pardonner. Airumiake kamwe. Le diable ne peut jamais se réconcilier. Shetani awezi kamo kurudia mapatano. Il n'y a pas de réconciliation dans les démons. Ndani ya mademona amukaraki kurudisha mapatano. Regardez depuis que Lucifer s'était révolté au ciel, parce que le péché a commencé au ciel. Tangia Lucifer alitomboka ku mbingu sababu zambi ilianzia ku mbingu. A aucun jour, akuyakwa kashikwa tamoya. Lucifer qui est devenu Satan et le diable. Lucifer ule mwenye kwa shetani na diabolo. N'a jamais tenté une réconciliation avec Dieu. Ayapimaka tama na mwa kurudia mapatano na Mungu. Il n'a jamais tenté. Ayapimaka. Se réconcilier avec Dieu. Kurudia mapatano masikilizano na Mungu. Même tous les démons qu'il avait entraînés. Atabale bote mademona bote rendaka nabo. N'ont jamais cherché la réconciliation avec leurs frères. Abaya tafutaka mapatano abanduku yabo. Il n'y a pas de réconciliation dans le démon. Mademona akukalaki kurudisha mapatano. C'est vrai, frère. Biakweri nduku. Il n'y a pas d'unité. Akuna umoja. Il n'y a pas d'union. Akuna umoja. Il n'y a pas d'unité. Akuna umoja. Dans le diable. Ndani ya shetani. Et les démons ne chercheront jamais l'unité. Na mademona aezi kutafuta kamo kurudia umoja. Satan, le diable. Shetani, diabolo. Ne peut jamais amener la paix. Awezi kamwe kuleta salama. Même ces agents, les démons, ne peuvent ata jamais amener la paix. Ata fanya kazi yake wanemona abawezi kamwe kuleta salama. C'est pourquoi Dieu les appelle les démons. Njoko wana Mungu anabaita sima mademona. Un démon est un tourmenteur. Demona ni muntu wa kuangaishana. C'est ça le travail d'un démon. Njo kazi yake ni kuangaishana. Quand les gens sont en paix, wakati ile ankuta batu msalama, Satan n'aime pas cela. Shetani apendake afurahi yake. Il fait des complots. Ananza kutunga tu mamambo. Pour créer le trouble. Njo aingishe paka mzozo wala fujo. Il n'y a pas de paix en lui. Habu ndani yake amuna salama. Parce que lui-même sait. Habu yeye mwenyewe anajua. Que ses jours sont comptés. Ya kusema mashiku yake iko yenye kuhesabiwa. Son jugement approche. Na hukumu yake inakaribia. Sa destruction approche. Kuharibika kwake kuna karibia. Il n'a pas de paix dans son cœur. Ana na salama ndani yake. Comment il peut amener la paix? Sasa namna kana anaweza kuleta salama katikati ya watu? Le diable ne peut jamais bénir. Shetani hawezi kama kubariki. Même quand nous voyons les gens, atapari tunaona bantu, unaenda kwa mfumu, dire que nous y cherchons les fétiches pour la bénédiction. Asa tafuta madawa moa fulani njo ya baraka, kubarikiwa. Ce sont des ignorants. Ni batu tu abana na mfamu. Et des insensés. Na wapumbafu. Il n'y a aucune bénédiction en Dieu, dans le diable. Kwa shetani hakuna baraka ta moya. Et aucun démon ne peut être au service d'un homme pour le bénir. Na hakuna démon ata moya anaweza kutumikia mtu juu kumbariki. Même tout ce que vous écoutez dans les loges, c'est un mensonge. Ata vile vyote mashikia kama mtu mankundi nkundi ni vitu vya bongo. Pourquoi les loges ne vont pas à Kabundami? Joanine ababa maloja bende ku Kabundami. Les loges, les cultes occultes. Ah wafanyaka mankundi ya. Les adorateurs de Satan. Baabudu ya Satan. Pourquoi ils ne peuvent pas aller à Kabundami? Joanine abawezi kwenda Kabundami. Ils vont à Mubambe. Enda kwa Mubambe. Qu'ils bénissent nos frères pauvres qui sont là. Bakabariki bale bandukoto mashikini be kule. Ils cherchent seulement les directeurs, les commerçants, les directeurs, les ministres, les hommes d'affaires, les généraux, pour les amener dans leur loge. Ba jemadari, njoku bapeleka muile makusaniko yabo. Il n'y a pas de bénédiction. Amuna baraka. Avec le diable, ça n'existe pas. Shetani hakuna baraka. Et le diable. Na shetani. Ne peut jamais être sincère envers quelqu'un. Il n'a jamais été sincère. Ayakuyaka na moyo wake na hata kuyaka na moyo wake. Il n'y a pas de sincérité. Ndani yake hakuna ukweli. Il n'y a pas de vérité. Amuna ukweli ndani ya shetani. C'est pourquoi tous ceux qui sont habités par l'esprit du diable. Juko mana bale bote beko na ile roho ya shetani. Ils font des alliances hypocrites. Bane karamu kufanya maagano ya mansula mbili ya marafiki. Na bado ifanya na bujanja. Le diable ne peut pas être pur. Shetani hawezi kama kuwa safi. La pureté vient de Dieu. Usafi inatokana ni kwa Mungu. Les démons ne sont pas purs. Mademona abana safi. Ils sont souillés en tout. Mubiote bebe kuchafuka. Oui, bien mes frères. Non, apendo. voilà les démons. Natazama mademona. Qui habite les frères d'Israël. Il est yenye kuikala mbanduku yake Israël. L'église est avec moi. Kanisa tupa moi. Ce sont ces démons ici. Ni ima demona. Et le diable. Na shetan. Qui habite tous les frères d'Israël. Joy kunekala ndani ya moyo batu banduku yake Israël boti. C'est pourquoi, comme Dieu a choisi Israël, et qu'il a placé au milieu de ses ennemis, il n'y a que Dieu seul qui est capable de prendre, qui est capable et qui prend la défense d'Israël. Israël, comme nous l'avons déjà dit, nous vous le disons toujours, il est le type d'un véritable chrétien. D'un véritable fils de Dieu, qui, tous les jours de sa vie, doit veiller. Parce qu'il est entièrement entouré Sababu, eko, mwenye kujunguluka, par les démons demona, qui veulent sa disparition. Penda, apaka akufwe, wala apote. C'est vrai, frère. C'est une lutte continuelle. Ile, ni bukonfi, wakila wakati buku naendelea. Ya kuendelea. In bataille permanente. Nani vita ya kila wakati. Comme l'ancien l'a lu ici. Pavile muzea toka mkusoma. Parce que même si tu es né de nouveau. Ataka mocha kuzali kwa mala apiri. Même si tu as le Saint-Esprit. Ataka ma una Rome takatifu. Les démons sont déjà dans votre corps. Mademona yo ikundani ya mwili yako. Parce que le corps lui n'est pas sauvé. Sabu mwili yo ya okolewa. Le corps lui n'est pas délivré. Mwili ayakombolewa. C'est ton âme qui est sauvé. Ni nafsi yako jo yenye kukolewa. C'est ton âme qui est délivré. Ni nafsi yako jo yenye kukolewa. C'est dans ton âme où habite le Saint-Esprit. Nani munafsi yako jo mwili Rome takatifu nekala. Voyez bien mes frères. Naona ndu kumpenda. Comme le diable a la prédominance sur le corps, non racheté, alors que l'âme est rachetée, il y a la lutte entre les deux, et cette lutte-là est le lieu de rencontre de la lutte entre l'âme et la chair. C'est ton esprit. Vous voyez? C'est pourquoi Frère Banam me disait, nous sommes devenus chrétiens. C'est pour combattre. Ninju ya kupika vita. Il ne faut pas oublier cela. Kile aifai kusabwa. Vous combattez avec vous-même. Mbele wewe mwenyewe unakombana na wewe mwenyewe. Parce que le premier ennemi. Sababu adui wako wa kwanza. C'est toi-même. Ni wewe mwenyewe. C'est moi-même. Ni mimi mwenyewe. Avant de voir les autres. Mbele akona adui wengine. Le premier ennemi. Et adui wako wa kwanza. D'abord c'est nous-même. Ni sisi wenyewe. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada yangu. Et comme Israël, ça Israël ne pouvait pas se défendre contre tous ses ennemis, ses frères qui le détestent, ses frères qui depuis longtemps font des complots contre lui, et Dieu qui a vu le comportement de ses frères, Dieu aussi a pris une résolution de châtier tous les voisins, ya kusema ataanza kupika kila jirani wa isha nduku yake wote mbaya wa roho mbaya wa Israel. C'est vrai. Ya kweli. Dieu a parlé contre le Liban. Mungu alisemea njoo ya Liban. Le Liban est un voisin proche d'Israël. Liban ni jirani wa inchi wa karibu wa Israeli. Le père de Libanais. Baba yake ya ba Libanais wala nkambo yabo. C'est Aram. Ni Aram. Aram. Aram. Est le fils de Sem. Ni mutoto yake ya Sem. Et Sem. Na Sem. Est le fils de Noé. Ni mutoto wa Noé. Voyez comment ils sont frères. Munona vile bunduku wabu buiko. Les premiers occupants. Bale bakaji ba kwanza. Du Liban. Bamule mu Liban. Mule jimbo wala bulongo ya ba Libanais. Les premiers occupants. Bale barukwa kamba kwanza. Sont les Cananéens. Ni wa Cananéa. Et après. Nakisha. Il y a eu les Phéréziens. Njokukwa wa Phéréziens. Qu'on appelle aussi les Sidoniens. Wale wanaita tena sema wa Sidoniens. C'est le même peuple. Ni taifa moja. Maintenant voyez comment ils sont. Mona sablebeko. C'est comme nous sommes ici. Pake vitu kwapo. Quand vous venez d'une seule, d'un seul père. Kama moi boti matoka kwa baba moja. Maintenant, quand vous descendez, wakati mnaanza kuzali kwa kushuka, il y a des enfants qui viennent, il y a des générations, kuma bizazi vinaanza kufuata, kwa bizazi vinaanza kufuata. Et toutes ces générations, na ile bizazi yote, qui forment des familles, wanatunga na majama, qui viennent d'un seul père, wote wanatoka kwa baba moja, forment maintenant des nations, wanaanza kutunga sasa, mataifa na makundi ya watu katikati yao. Et après avoir formé des nations entre eux, nakisha kufanya mataifa katikati yabo, comme eux-mêmes sont habités par les démons, sable bo benyewe banesha maho yabo mu shetani, ils ont des guerres entre eux, katikati yabo bananza sama mvita. Mais quand il s'agit d'Israël, lakini kama nakuwa ni wakati ya kumkombanisha Israeli, là ils se mettent ensemble, pale banaungana. Voyez l'œuvre du diable. Munona kaji ya shetani. Je donne un exemple simple. Taleta mfano ya kipi ya wepesi. Pour que tout le monde comprenne ce que je vais exprimer. Bantu bote ba elio inafia kusema. Tu vois, quand les Katangais se retrouvent à Kinshasa. Wakati batu wanatoka Katanga banenda bo ku Kinshasa, ba Katanga. Ils forment une famille très forte. Manekaraka banakuwa bote jama moya. Quand quelqu'un t'a dit, c'est un Katangé. Wakati unashikia sema, uyu alitokea Katanga. Ah, c'est mon frère. Ah, ni nduku wangu. C'est mon frère. Ni nduku wangu. Maintenant, quand le même Katangé arrive au Katanga. Sasa, ba Katangé ba wenye, kama narudia bote au Katanga. Comme ce sont des gens qui sont habités par des démons des inconvertis. Maintenant, ils commencent à s'opposer. Il y a les hauts Katangais, il y a les Lualabé, il y a les Olomami, et il y a les Tanganyika. Na kuba kutanganyika. Maintenant, quand vous descendez, c'est comme on a shuka tena. Vous venez dans les Okatanga. On a fika mu Okatanga. Face à d'autres régions, ils sont unis. Kama banafia sema bakomacha batu bainje bo pa bumumoja. Mais entre les Okatanga même. Mais kama fika mu Okatanga na mu bobe nyewe ba mu Okatanga. Il y a discrimination. Kuna kwasa kutosha kwa batu ma uchakuzi sasa. Ils disent, nous nous sommes, il y a les Sanga. C'est ma, je suis tout Sanga. Il y a les Onde. On a quoi baka Onde nabo. Il y a les Bemba, Kuba il y a Bemba, les Lamba. Na Kuba Lamba nabo. Quand vous arrivez dans le territoire de Basanga, mukiende nabo mu jimbo la Basanga bo pabo. Tu entres dans le territoire de Kamboz. Unaingia mu territoire ya Kambo. Vous trouvez il y a maintenant les Basanga. Mwakuta sa Basanga. Les Kabumbu. Bakabumbu. Les Basanga. Basanga. De Mukumbi. Bakwa Mukumbi. De Mubambe. Bakwa Mubambe. Il y a les Balamba. Balamba. De Kapolo. Bakapolo. Vous voyez? Munaona. Quand vous descendez encore, ukishuke tena kabisa, vous arrivez, unaenda, je Mukumbi, kwa Mukumbi huko, ils vont vous dire, anawaambia sema, nous sommes de la famille, nous venons du fleuve, sie tunatokea kumtoni, et les autres diront, na bengine atawaambia sema, non, les autres viennent après le fleuve. Chitukuba bakaonde bakungambo ya ile mutoni. Les autres disent non non. Bengine amwansema. Nous sommes de la Zambie. Chietu bakaonde baku Zambia. Les autres diront. Bengine abatakwambia sema. C'est nous-mêmes qui sommes originaires. Njo bakaonde ba umwa mukumbi wa umu kabumbu. Vous voyez. Munaona. Maintenant quand vous descendez, donc vous quittez le village. Unatoka kumukini. Vous entrez dans le village, dans la famille. Unaingia mujama. Même dans la famille. Ata mwenye mkizazi. Maintenant les gens se disent. Sabantu abansema. Nous sommes de la famille Ngoi. Chietuku benangoi. Nous sommes de la famille. Chietuku Nandu. Benangandu. Nous sommes de la famille. Chietuku benabanzi. Quand vous descendez encore. Ketena. Dans la famille, mwenye mujama, il y a encore des divisions. Utena makatano, kabulana. Vous n'avez jamais vu les désordres que Satan sème. Fujo ile shetani anaendaka mkuweka. Dans la famille, mujama, Satan entre dans les gens. Shetani anaingia mubantu. Il se divise à cause de leur héritage. Bananza kukabulana juu ya urithi. Baba anakufa. Lorsque ils perdent leurs parents. Baba anakufa. Lors du décès de leur papa. Anaja pa bambu jimbi. Il va laisser deux chèvres seulement dans la famille. Mais bon, avec 8. Ils sont en 8. Ça, c'est pas mon famille. Mais là, dans la famille, ils vont se regarder. Bah, 5, bah, pour, bah, 3. 5, bah, Nichika. Ah, bah, 5, bah, pende, bah, bouche, bouge. Je vais vendre, tout se partager. Ah, bah, 3, bah, c'est tout, tchung, bah, bouge. Gardons, c'est bon. Bah, ça, là, bouge. Nous allons nous partager. Makurotano, ça va commencer là. Vous voyez? Non. Parmi les 5 qui ont gagné les chefs, ils vont égorger ces chefs. Moi je vais prendre le pied de pattes. L'autre dit moi je vais prendre d'autres pattes. Dans la partage, ils vont encore se diviser à cause du chef. Moi je voulais que tu puisses m'ajouter la tête. Mais lui il m'a donné seulement le sabot, les talons. Et un conflit mais un conflit dans la famille. Makurotano nanza mujama. Autant d'héritage d'une chef. Jutu ya uriti ya mbuji. Frère. Nduku. Voyez les exemples que je donne. Unaona mfano inalita tu yetu. C'est exactement ce qui se passe. Na njobile binapitikana. Quand vous arrivez dans ces contrées de Moyen-Orient. Wakati unaenda kule ku Moyen-Orient. Il y a plusieurs nations, plusieurs peuples. Tumainchi toka tena chama, tumainchi chama, ce sont les mêmes personnes. Beko na damu moya, beko na banduku, ni banduku. Mais ils se sont divisés. Banisha kukaburana kabulana. Ils s'unissent selon les intérêts. Beko na ungana kufuatana na mafaida. Mais malgré leur division. Hata kulo kabulana kwa. Quand il s'agit d'Israël. Kama ni mambo na ngara Israël. Là, ils parlent un seul langage. L'église est avec moi. Karisa tu pa moi. C'est pourquoi Dieu dit. Je komana Mungu anasema. Il promet aux Libanais. Ane balaka ba Libanais. Je vais vous détruire. Sema moi na moi te miharibu. Parce que vous aussi vous excellez en haine. Sababu moi na moi muku naendelea paka muchuki. Contre votre frère. Ka kuchukia nduku yenu. Israël. Israël. C'est moi quand vous prenez. Comment on a quatre mon abeba? Jérémie chapitre 22. Jérémie a makumi mbili na mbili. Dieu parle contre le Liban. Mungu asema analaka biba. C'est le jugement contre le Liban. Makumu yulu ya Liban. Frère, nuku. Satan n'est pas n'est pas un homme correct. C'était un méchant. Satan. Shetani. Atawezi kuunga bantu bawili. Il peut unir deux personnes. Dieu kufanya bubaya. Pour faire le mal. Maintenant, kama bale bawili wanafanya bubaya. Lorsqu'ils vont commettre leur mal. Paka ule Satan moya moya. Le même Satan. Ule alibaunga je wafanye bubaya. Il unit pour commettre ces choses. Il vient encore parmi les mêmes instruments qu'il a utilisé. Katika vile biombo alitumikia. Il les oppose. Aniba kumbanisha tena. Satan, Shetani. Frère, il ne conseille qu'on ne m'empêche. Frère, tu conseilles que je donne. Apana kufanya kaburafiki na Shetani. N'osez jamais tisser d'amitié avec le diable. Apana kuteka mashikio yako kuma promesse ya Shetani. Ne prêtez pas vos oreilles aux promesses. Ma promesse yote ya Shetani. Le promesse du diable. Elles sont fausses. Na Shetani. Le diable. Awezi kutimiza promesse anafanya kwa mtu. Jamais accomplir ses promesses à un homme. Car lui présente ses promesses. Wakati anakonesha malako yake. C'est vraiment teinté de rose. Iko acha kuipaka la yulu yulu mzuri. Mais derrière ces promesses. Mais lakini chingu mkongo ile malako yake. Il y a la mort. Golufu. Il n'y a que mensonge. Pa bongo. Il n'y a rien. Hakuna kitu. C'est vrai frère. D'accord nduku. À cause de cet esprit. Anjua ile ro. Qui ne veulent que la destruction d'Israël. On a peine n'a pas Israël y alibike. Qui continue à les mépriser, à chercher son territoire. Et même les Libanais se sont joints à leurs frères, Esaïe, Caïn et les autres, les Moabites. Ils ont oublié que même Israël était leur frère. Et Dieu dit ceci. Jérémie chapitre 22. Monte sur Liban, écrit. Panda Liban andike panda yulu ya mulima na umlalamikie Liban. Élève ta voix sur le Bazan. Lalamika sana yulu ya Bazan. Bazan c'est la montagne, on a déjà parlé de ça. Mukilima, mukisha ese crie Dieu et Darim. Parle. D'Abraham. Coule d'Abraham, verset. Verset 20. Car tous ceux qui t'aiment sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité, de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. Mr. Shikia. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tout tes pasteurs seront la pâture du vent. Seront la pâture du vent. Et ceux qui t'aiment iront en captivité. Vous voyez. Liban aussi n'a pas écouté depuis sa naissance. Depuis qu'il est une nation. Dieu a dit, ne touchez pas Israël. Et même leur commandant. Et même leur roi. Et leur chef. N'ont pas écouté la parole de Dieu. Les investissements de Dieu. Et Dieu aussi. Il parle à résolution de le détruire. Frère, lorsque Dieu te parle plusieurs fois, mala mingi, si tu n'écoutes pas, kama upende kushikia, tu seras détruit. Mungu atakuharibu sasa. Dieu commence d'abord par avertir. Mungu anaanzia hapo kukalamusha. Quand Dieu te parle, wakati Mungu anakusemezea, au temps de votre prospérité, wakati ile ukunaendelea, c'est le temps où il faut écouter. Jo wakati unapaswa kushikia. Quand les gens traversent les périodes de la prospérité, wakati le batu bitu yote binendeka mzuri lo wakati, ils sont en paix. Ils sont en bonne santé. Leurs affaires prospèrent bien. Leurs activités prospèrent. Les enfants en bonne santé. La femme en bonne santé. Souvent, les gens n'écoutent pas les avertissements de Dieu. Les gens n'écoutent pas les conseils de Dieu. Au lieu de s'humilier et d'obéir à la parole de Dieu, souvent pendant la prospérité, les gens deviennent orgueilleux parce qu'ils se croient être sages, être puissants. Quand ils mangent bien, ils s'habillent bien, ils habitent une bonne maison, il est apprécié par tout le monde. L'esprit de Satan vient habiter son cœur. Il commence à se croire que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, voyez, vient de lui-même, de sa sagesse, de son intelligence et de sa force. C'est pourquoi une fois Dieu a dit à Israël, lorsque tu entreras dans ton pays, lorsque vous plantez vos vignes, et vous le mangez, et vous mangez le fruit de vos maisons, vous construisez vos maisons, et vous y habitez, vous élevez, et c'est lorsque vous aurez l'argent, et tu seras en paix, n'oublie pas, n'oublie pas l'éternel, celui qui t'a donné la force d'avoir tout ce que tu as, n'oublie pas dans ton cœur. J'ai gagné. C'est ce que les gens font. Pourquoi les gens le font ainsi? C'est l'esprit du diable qui les habite pour leur destruction. Frère, nous vivons, c'est par Dieu. Il est soufflé de vie qu'on a eu. Le souffle de vie pour nous dire et le souffle pour nous. Ce n'est pas nos parents qui nous ont donné ça. Ce n'est pas ton argent qui t'a donné le souffle de vie. Ce n'est même pas ta force ni mon. La nuit tu dormais. Ah, même l'odeur, tu as été même tu ne savais même pas. Et la façon dont tu dormais, et la bouche dégageait à l'air, et tu avais la chasse dans les yeux. Il a dit, tu prêtes encore le souffle de vie. Aujourd'hui encore, j'ai dit, respire encore. Ça. Maintenant, on t'a prêté c'est mal le souffle de vie, tu veux si te tenter. Si nous comprenons ces choses, nous devons nous humilier et nous soumettre à la volonté de Dieu en toutes choses. Donnez gloire au Seigneur en toutes choses. Frère, si aujourd'hui à midi, c'est grâce à Dieu. Frère, il y a des gens, ils ont des réserves, des greniers remplis de choses à manger. Ma banque, dans des banques, il y a l'argent. Ils ont des avions, frère, des véhicules. Mais Léo, aujourd'hui, ils n'ont même pas mangé la bouillie. Lorsqu'on met la bouillie dans la bouche, et ça va sortir des. Voyez, mais non. Toi tu as la force. Dieu t'a donné la force. Mungu apatia la nguvu. Frère, Duk. Mungu, Dieu, est quoi Kongop? Il est redoutable. Voyez bien mes frères. Non, non, Duk. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons et ce que nous sommes, n'est que la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons l'écouter au temps de la paix. Et le mari même tu as, c'est ma Dieu. Et les enfants, c'est Dieu. Bibi, la femme, c'est Dieu. La force que tu as pour te dormir. Il y a des gens qui ont de bons matelas. Qui n'ont pas le temps de se mettre. Lorsqu'ils s'allongent seulement, c'est la respiration qui s'arrête. Il faut acheminer. Si il doit se tenir debout. Il y a un acheminement. Il est debout. Il ne sait même pas si le matin va arriver. Il ne sait pas. Sa vie est en suspens. Mais regarde ce monsieur ici. Vous voyez, non. les enfants de Cam, de Sem. Regarde. Mangari. Vous voyez l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne frappe pas quelqu'un avant l'avertissement. Je vous ai parlé autant de votre prospérité. Je n'écouterai pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine contre son frère. Arrêtez la haine avec ton frère Israël. Moi non. Même si les sœurs ou les sœurs, ou les frères, je ne serai jamais d'accord avec eux. Il va emprunter sa voix, moi j'emprunterai. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon dans le diable. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent. Et tous ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu sauras, que tu seras dans la honte, dans la confusion. À cause de toute ta méchanceté. Vous voyez? Non. La méchanceté ne nous honore pas. La méchanceté nous déshonore, nous conduit à la honte et nous conduit à la destruction. Frère, c'est notre méchanceté qui nous détruira nous-mêmes. Oui, bien aimé frère, votre haine te détruira toi-même. Les propres calomnies te détruiront. Le péché détruit l'homme. C'est pourquoi il faut écouter. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le péché conduit l'homme à la confusion. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Toi qui habites sur le Liban. Oui, on est calé là au Liban. Tu as ton pied dans les cèdres. Combien tu gémis? Combien tu gémiras? Et quand les douleurs t'atteindront? Douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Vous voyez, frère? Vous voyez, sœur, Dieu dit au Liban, à cause de votre méchanceté, pendant votre temps de prospérité, moi, l'amour, moi, la vie, moi, la paix, je vous ai parlé. Et vous, dans votre méchanceté, vous avez dit qui est l'Éternel, qui est le Dieu d'Israël, pour que moi j'écoute. Je n'écouterai pas. C'est pourquoi je prends la décision. Comme tu es méchant à outrance, tu seras dans la confusion. Comme tu es méchant à outrance, tu seras confus. Frère, le Liban, c'est un beau pays. Liban, qui a de belles montagnes et de belles vallées. Na mabonde ya mzuri. Quand nous allons en Israël, Israël pour visiter le Liban, parce que juste à la frontière, Mipaka, c'est vrai, c'est beau. Donc, ni à Mouzouri. Ce n'est pas pour rien. Aina kwa boule. Quand Dieu interdit à Moïse, il dit comme toi, tu as frappé le rocher deux fois, tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. Quand Moïse vient plaider son cas, il se répand. Il commence à se répandre. Il dit, toi tu es plein de miséricorde. Là la colère. Laisse-moi voir les montagnes du Liban. Frère, il y a les cèdres, les cèdres du Liban. C'est parmi les cèdres qui ont construit le temple de Salomon. Ce sont des bois de qualité. De qualité. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. C'est beau. Il y a un beau paysage. Écoutez frère. Quand quelqu'un est en paix, elle est en bonne santé. Frère, souvent les gens n'écoutent pas Dieu. Pendant le temps de paix et le temps de prospérité, souvent les gens se prennent comme des dieux. Satan fait naître en eux la pensée d'être invincible. Satan dit, rien ne t'arrivera de tout ce que tu entends. Même ce que Dieu dit là, rien ne t'arrivera. Tu continueras toujours à être heureux. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Quand quelqu'un prospère, retenez cela. Quand quelqu'un prospère, il n'écoute pas Dieu. Deux fois les biens matériels, les biens matériels aveuglent les yeux des sages. C'est vrai frère. C'est vrai, ma sœur. C'est pourquoi, en temps de paix, en temps de prospérité, c'est ça la période où on doit beaucoup veiller sur sa propre conduite, veiller sur les sentiments qui s'élèvent en vous, veiller sur les actions que vous posez pendant la prospérité. Prospérité. Veillez sur les paroles que vous adressez aux autres. Les réponses que vous adressez aux autres. Tu n'es pas un Dieu. Tu es un homme. Et tout ce que tu es. Et tout ce que tu as. Ne t'appartient pas. C'est le temps où il faut écouter Dieu. C'est le temps où il faut s'humilier. C'est le temps où il faut glorifier Dieu. Mais voilà la période où les gens, le temps de la prospérité, c'est ça la période où les gens méprisent Dieu. Dieu donne à quelqu'un l'argent. Au lieu de glorifier Dieu, il prend l'argent maintenant. Il va glorifier Satan dans la prostitution. Dans la prostitution. Et dans l'ivrognerie. Et les autres vont encore plus loin dans la méchanceté. Comment on a tiesa? Je te ferai. Il t'a dit pas en franc. Je vais payer l'argent. Et tu feras une semaine au carré. Et je verrai qui va te libérer là-bas. Qui a l'argent comme moi? Qu'est-ce que c'est? Ni. Satan a habité les cœurs pendant la prospérité. C'est ce qui est arrivé aux Libanais. Au Liban, vous voyez, Munaona. Les enfants de Sem. Toto a Sem. Quand Dieu leur parlait, au sujet de leurs frères, Israël, ils n'ont pas écouté. Ils ont dit, je n'écouterai pas. Je n'écouterai pas. C'est pourquoi Dieu va les détruire. Oui, bien aimé frère et sœur. Oui, bien aimé frère. Quand Quand quelqu'un devient arrogant, il vient orgueilleux. Voyez, il commence à s'opposer devant Dieu. Il s'oppose à Dieu en toutes choses. Sa chute est là. Il est déjà tombé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi il faut écouter. Il ne faut pas voir l'esprit du Liban. Liban, Liban n'a pas écouté quand Dieu lui parlait pendant la période de la prospérité, pendant que le pays était prospère. Le Liban, Liban, dans le Moyen-Orient, c'est le pays qui est en difficulté sur tous les plans. Économiquement, sur le plan monétaire, économique, politique, un pays instable. Dieu l'a déstabilisé. Terrible. C'est Libanais qui vient ici. Ils sont en train de fuir la guerre. Entre leurs tribus, ils se combattent. Économie par terre. Ouais, bien, mes frères. Où tu as investi, je ne sais pas comment je salam. Investir, c'est lorsque vous avez déjà vu quelqu'un investir dans la période de guerre. Il y a des tueries partout. Quand vous rejetez le conseil de Dieu dans votre vie, cela signifie que vous avez accepté les troubles. Vous avez accepté à la parole de Dieu, comprenez que tu as accepté la malédiction. La Hana. Satan ne te bénira pas. Parce qu'il n'a pas de bénédiction. Quand vous confiez en Satan, vous êtes malheureux. À cause de toute ta méchanceté. Tu regardes les cèdres, tu regardes les vallées, tu regardes les belles montagnes, tu prospères. Au lieu de rester sur ton territoire, tu veux même ravir le territoire d'Israël, mon peuple. Je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Je t'ai averti, tu n'as pas écouté. Alors je te détruirai. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quiconque refuse les avertissements de Dieu aime la destruction de sa propre vie. L'église est avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? C'est vrai, frère. Quand tu sembles prospérer, écoutez. Quand quelqu'un prospère, il va mettre le pot de main dans sa poche. Dit Djapo, Djapo. Où le Mounia Tanifani? Qui est celui-là? Il me fera quoi? Est-ce qu'Atani Panini? Il va me donner quoi? Que je puisse m'inquiéter de lui. L'arrogance. Et Ouri. Anangara, d'ailleurs. Regarde, Djapo. Dans la famille, c'est moi qui suis fort. C'est moi qui suis forte. Minjo Angouf, mon amour. Tibouri. L'orgueil. Pensera que c'est lui-même qui conserve sa vie. Frère, Duk, il y a un œil qui nous observe. Et auprès de cet œil-là, il y a un homme qui a un livre de souvenirs. C'est pourquoi, pendant le temps de la prospérité, faites toujours de bonnes choses. Faites toujours de bonnes choses. Pour que dans les livres, de souvenirs, il y ait toujours de bons souvenirs. Quand le temps du malheur viendra, le maître de l'univers, il regarda dans les livres, il va se souvenir du bien que tu as fait aux autres. Et il te bénira. Voyez bien, mes frères. Regardez Ézéchias. Quand il est tombé malade, le prophète lui dit, prépare-toi. Dans peu de jours, tu mourras. Lui ne voulait pas mourir. Aspende kuf. Il est allé. Arienda. Il a pleuré. Analia. La Bible dit. Asema. Il pleura amèrement. Et pendant qu'il pleurait, il disait au Seigneur, souviens-toi de bonnes choses que j'ai fait. Frère. Donc, Dieu n'est pas un ingrat. Mungu akosake shukurani. Ne prends pas maintenant. De petites choses que j'ai fait. C'est que j'ai fait. Pour étonnant. Laisse-moi vivre. Quand Dieu est allé dans son livre de souvenirs, il a regardé et dit non, Ézéchias a raison. Ézéchias, c'est ma chérie. Il retourne encore. En Arudia. Je lui ajoute encore d'autres choses. Vous voyez bien, mes frères. C'est pourquoi la méchanceté ne nous aide pas. Quand nous passons une période de prospérité, écoutons ce que Dieu nous dit. Écoutons les avertissements de Dieu. Et faisons toujours ce que Dieu nous demande. Nous serons en sécurité. Mais s'opposer à Dieu, refuser les conseils de Dieu pendant notre paix, là nous aimons notre destruction. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Vous avez compris. Qui a compris? Très bien. Lève-nous pour la prière. Nous devons écouter. Nous ne devons pas être méchants comme Liban. Un méchant comme Liban. Qui n'écoute pas les conseils de Dieu. Il ne veut jamais se réconcilier avec son frère. Qui n'a aucun pardon pour son frère. Prions. Seigneur, merci. La parole.